Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence sur l'économie du document, consacrée plus spécialement aux marchés et aux générations. Cette semaine, je m'appuie sur de nombreuses références qui sont accessibles en ligne. Vous les trouverez toutes sur la bibliographie Zotero, bien sûr. Pour développer le propos, j'ai réalisé deux diaporamas sonorisés, mais il ne s'agit que de courtes synthèses des principales idées développées dans les analyses référencées. Il est donc indispensable pour vous de retourner à la source pour les compléter. Pour mesurer lucidement la montée du marché de l'attention, donc le marché publicitaire, je vous propose d'analyser tous ensemble un diaporama réalisé par un magazine électronique en ligne et particulièrement révélateur du raisonnement des industriels du web aujourd'hui. L'outil que je vous propose devrait mettre en valeur notre intelligence collective. Enfin, pour conclure cette séquence consacrée au marché, je crois utile de nuancer leur influence et je vous propose trois pistes à cette fin. Voilà donc encore une fois une séquence susceptible d'agiter nos neurones et, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne réflexion.